Bonsoir, bienvenue dans l'Antichambre, bienvenue comme chaque jeudi soir sur Radio et les Bords. Au programme de l'émission, une chronique sera consacrée au dernier album d'Oxmo Puccino, L'Arme de Paix. Donc restez connectés, il y aura quelques petites surprises à gagner ce soir. Nous aurons aussi en fin d'émission, pour se faire plaisir, un petit mix qui reviendra sur la période fin des années 80, début des années 90. On aura quelques morceaux à l'ancienne et notamment pas mal de titres du Juice Crew et donc du label Cochilling Records. Et puis on va commencer tout de suite avec quelques morceaux plus récents, plus d'actualité. Nous aurons tout d'abord deux titres qui nous viennent du label japonais Subcontact, un excellent label indépendant dont on a déjà diffusé pas mal de titres dans l'antichambre ces derniers temps. Nous aurons The Smile Rays, un trio qui nous vient de Floride, composé du rappeur Therapy, de la chanteuse Day Zay et du DJ producteur Bad Sauce. On écoutera le superbe titre bien jazzy C'est la vie, qui est extrait donc de leur album Party Place, sorti sur le label Subcontact. On reste d'ailleurs sur ce label avec Rip One, un beatmaker qu'on a déjà entendu plusieurs fois dans l'antichambre, mais on écoutera ce soir un nouveau titre. Il s'agit de Maintain en featuring avec le MC Provoked. Et puis en tout, on partira ensuite vers deux producteurs anglais. On aura tout d'abord Parker pour le titre Western Soul en featuring avec un des membres du duo californien Kelly Agent. Ce sera Rasco au micro et ce sera la version Beethoven Mix, et c'est sorti sur le label anglais Leisure Records. Et puis on enchaînera avec une nouveauté, Laco Fafo en featuring avec Wax. Ce sera le titre Suspicious Glow, c'est sorti sur le label Freestyle Records assez récemment, et à l'occasion d'une prochaine émission on reviendra sur l'album au complet. Voilà, donc tout de suite The Smile Rays, C'est la vie, vous êtes bien dans notre chambre. Mix it in the whip, okay, we don't need it. Chilled after the show, about an hour and got weeded. Said peace to the fam, and step to the whip. Oh, hell no, some chump broke in my shit. Left trash everywhere, but Jack the vest axe. That's $800 down the drain plus tax. Looked around some more, then my heart jumped to panic. Damn it, my new beat CD had vanished, and it had to be some whack hip-hop kid who done it. Cause they took my beats, but they left a bunch of other shit. Like my sister's Luther CD, that's still in the case. A bum would've took it all, like more merch, more bird, so it's great. I ain't leave no cash or trees, and took the CDJ with me, that bastard thief. When I catch him, I could beat him something live and creative. But that's alright, I'm a max, I feel violated and I hate it. But I should've been more observant, parked in better lighting, I might've just deserved it. I should've known not to leave equipment there all night, but now listen, I'ma be real with y'all, I'm not even sure that I locked the back door. But that's not even the point. The point of the matter is, it happened. And I decided, you know what I'm saying, I ain't gonna research who did that shit, you know what I'm saying? Whoever did it, you know what I'm saying? You're a fucking jerk. You see, life is ups and downs, pros and cons, the yin, the yang, positive, negative, and so on. It's just how it is, yeah, I was pissed driving home, but I took a deep breath, then I twist up his bone. Took a pull, sat back, reflected on questions of what's fair in life, then remembered life's blessings. I let the strife roll off me like rain down a pipe, cause, you know? Instead of acting crazy, take the worst with the good. That's the way it be, c'est la vie. Yeah, you heard the hook, but did you check the verse? When shit went foul, I didn't yell and shout. I let life balance itself out, let God do a job. Keep the cycle going, do your best to be right, but keep your mind open, even when your days is dark as night. It's a'ight, cause right about now, y'all are thinking, oh, Therapy, he's on some Gandhi shit. But listen, I talked to like some of the most peaceful people that I know, and they was like, yo, you should fucking punch that dude in the face and find out who did it and fucking firebomb his house and, you know what I'm saying? But, you know, listen, man, I ain't, you know what I mean? I ain't with that shit, man. My life, you know what I'm saying? That my life is going on some whole other shit. You can have that. You can have that right there. I got more beats. I got that talk. As long as you maintain your strength within it. to overcome. I'ma make sure I'm done with the work to keep moving, and the perfect conclusion to what I've got of the life. I'm enduring through the worst to get a lot of the life. With an optimistic outlook, I'm doing it right. I try to maintain to stay sane, review on my life, cause it's hard to see the bump, it's like I'm losing my sight. So I'm staying strong, avoiding the confusion, the fright, shedding light to let you know the things bringing you down can turn into something positive if you turn around your mind state. Just let the negativity migrate and build your inner power, taking some of the weight off your shoulders. I know it feels heavy at times. Everyone is the problem, so try to open your eyes. Build your inner power. That I'm blessed and all the things going wrong are just a part of the test called existence. I'm better myself through resistance. Temptation is the evil that can cancel your interest. Defenseless is the way you might feel, but you should keep your head up. Even though it seems surreal, try to deal with obstacles polluting your path. And if your brother is sick, just try to use your better half so you can keep them going, knowing that your family is vital. It should never come down to someone feeling suicidal, to someone who's worse off that still likes to smile. Plus the people who don't have a drop of water for miles. So through the trials and tribulations, just keep on pacing and try your best to stay moving and stay maintaining. I'm not complaining, cause I could be in the dirt. I'ma try my best to make it, cause I know what it's worth. Gotta get your brands up. We bring it to you live. Party people stand up. We do it from the west. You were rocking with the best. We do it all big. We don't give nothing less. Put your hands up. Gotta get your brands up. We bring it to you live. Party people stand up. We do it from the west. You were rocking with the best. We do it all big. We don't give nothing less. The West Coast start of the game. Get the name right. Get your game tight, gotta keep the flame bright. I'll be the same type, not another MC. I like the beats hard, banging out the MP. Me and my man B had to let the world know we be the best team, dealing with an all pro. You do it all show, even for the small dough. I know they hold skin, try to keep the ball low. That's why I never floss, I don't care what it costs. Keep my hands straight, never get my thoughts lost. I'm my own boss, do it on my own terms. On the right path, never make the wrong turn. I do it slow burn, tell them that it takes time. Close to the best, you can never take mine. You be the fake kind, never could you be true. I'm my own man, never could I be you. Put your hands up, gotta get your brands up. We bring it to you live, party people stand up. We do it from the west, you were rocking with the best. We do it all big, we don't give nothing less. Put your hands up, gotta get your brands up. We bring it to you live, party people stand up. We do it from the west, you were rocking with the best. We do it all big, we don't give nothing less. I let the beat knock, do it for my street block. I keep it on stock, serving up the heat box. I give them three spots, see if they can keep pace. I turn the sound up, looking for the deep bass. I really need space, never getting played close. In the end zone, looking for the fade post. Or the post fade, hit them with the close shade. Holly octane, you be on the low grade. On that 85, do it just to stay alive. With the best odds, never had to take a dive. It's a sure bet, playing with a pure deck. Got the ace high, I be in the place fly. Do it real nice, only for a real price. Gotta stack brands, hit them with the backhand. In front of back stands, I eat them like Pac-Man. It's the same shit, story of the black man. Put your hands up, gotta get your brands up. We bring it to you live, party people stand up. We do it from the west, you were rocking with the best. We do it all big, we don't give nothing less. Put your hands up, gotta get your brands up. We bring it to you live, party people stand up. We do it from the west, you were rocking with the best. We do it all big, we don't give nothing less. Hey yo, Wags, man, what up, bro? It's your boy. I was out in Vegas last night at this party, man. I was hanging out with 50 Cent's cousin, the DJ's nephew. Anyway, he said he was gonna hook you up, man. I gave him your number. He's in the VIP, chillin' with the cool Richie and now. Everybody put your hands up. Turn me on your light. Come on. heated up, but sometimes when my phone rings, I used to answer, but now I hit ignore. No more time for the folklore in your fake stories that you make up off the cuff. And it used to be that I couldn't wait to call you bluff, but now I use my time in wiser ways. It's inefficient, cause you've got lies for days, and everything I've done, you've done but better. But you never do anything cool when we're together. Did a stripper in Toronto right after you won the lotto, then you did a model at the Playboy Grotto. Let me make it muy claro, we are done. We ain't friends, we ain't buddies, we ain't pals, we ain't chums. You're the boy who cried wolf, I'm the pissed off shepherd. I ain't trying to be rude, I'm just looking at the record, man. Yeah. Been around you since you was a youth. Your poker face sucks, man. Give it up, man. Tell the truth. I'ma need proof in the form of a fitty. Oh, next time you say you roll with Diddy at the hottest club in New York City. Especially when the same night my boy said he saw you up at Jiffy. Lube up in Baymore, getting your oil changed. I told him you was going to the Orioles game. And as the years go by, it's more of the same. And everybody starts ignoring all your stories and claims. And then you wonder why you're pretty much friendless. It's cause you don't understand what a friend is. You see, a friend ain't something you can up and replace. And when you lie to him, you might as well punch him in the face. Yo. With a beat just like the Lex Luger. Body slam tracks the Mets, and that's that. With action, that's fact. Yo, Freddy, that's fact. We're doubled in a pound of crack, and that's fact. Feel free to check stats, we be right and exact. Manufacture more drum than megaton bombs. Detonated by King Kong, but check your tongue bombs. Stop and stare, pay your homage to Red Astaire. Producers get scared when compared to Dead as Air. We linked up for the simple fact that our philosophy synced up before I inked up these papers on which I write on. For me to recite on, my brain's lit, keeping the light on. FCs to the max like Pepsi, with drumstick kicks hitting harder than Jet Li. Hip hop's kinda loose in its mojo, in slow mo. Can I keep up with the flojo? Say yo yo, what are we to do? We gonna show you, we be the cats that you really should go to. What you see is what you get. Fury and Kruger is on the set. Beats with the rhymes are so perfect. We be the real deal, so don't you fret. Feeling our vibes, then place your bets. We guarantee to rep and make you step. Knowing your minds and we take your breath. Ready to stand with the C-R-T. Feel my aura, travel more than Dora the Explorer. See me cruising the lagoons of Bora Bora. Think I'm just yapping when it comes to rapping? Type my name up in Google, son, and see what happens. I take seven MCs, put them on a boat, and that's seven more suckers who claim it to float. Seven additionals before I prepare to clear my throat. Spit on 21 soaked without the raincoat. We make treats to highlight in the streets and be like ice cream cones to your sensitive teeth. Wanna be the man again, so what's your plan again? Thoughts are meaningless rhetoric and shenanigans. Push the right buttons, ain't no panicking. Get your dance on to the floor, no mannequins. We cheap rockers, rough like Chewbacca. Boom shakalaka, let off the moyaka. Information, y'all, education, y'all. Be at the station with the medication, y'all. Infiltration, y'all, inspiration, y'all. I'ma end it like this on this conversation, y'all. What you see is what you get. Fury and Kruger is on the set. Beats with the rhymes are so perfect. À l'instant, le producteur connu également sous le nom de Red Astaire, il s'agissait de Freddy Krueger en featuring avec C-Rock pour What You See Is What You Get, extrait de Soul Search, son album sorti chez True Thoughts. Comme nous l'annoncions en début d'émission, voici une chronique entièrement dédiée à l'artiste, rappeur, poète français Oxmo Puccino, qui a sorti un dernier album au printemps 2009 avec son groupe Les Jazz Bastards, le groupe de musiciens avec lesquels il avait déjà sorti le Lipopète Bar 3 ans auparavant. Oxmo nous arrive donc cette année avec un nouvel album qui s'appelle L'Arme de Paix. Et c'est un très bon album qui peut-être qui sort un peu des sentiers battus du rap, qui est beaucoup moins hip-hop musicalement, qui a aussi des lyrics, on va dire, plus accessibles. Oxmo Puccino a réellement gagné en maturité sur cet album. Quelques invités improbables, comme par exemple, je pense à Ben du groupe Le Puzzle, qui est dans un registre absolument pas rap. Je pense aussi à Olivia Ruiz, la chanteuse. Sly Johnson, qui apparaît deux fois. Et aussi Knan, qui est un rappeur somalien qui est installé maintenant depuis peu aux États-Unis ou au Canada, mais qui est un rappeur somalien que je vous conseille d'écouter, qui est de grande qualité. Et on a une petite surprise pour les fans de Oxmo Puccino, puisqu'on a quelques cadeaux à faire gagner. Alors, il suffira d'envoyer un mail à info@radio-antichambre.com. À gagner des t-shirts femmes taille M ou L, t-shirts hommes XL et des albums vinyles aussi, des albums vinyles de cette l'Arme de Paix, et puis des CD maxi aussi du titre 365 jours. 365 jours, c'est aussi le titre qu'on va s'écouter en tout premier sur ce petit mix de l'album. On s'écoutera aussi le morceau éponyme, L'Arme de Paix, et c'est un morceau justement avec le rappeur somalien Knan, dont je parlais à l'instant. On s'écoutera aussi Tirer des traits avec Sly Johnson, Les Unes les Autres, qui est un morceau un petit peu plus léger, mais non moins efficace, Soleil du Nord, un morceau un petit peu plus sérieux, et puis on terminera par le morceau Master Ciel, un petit ego. On commence tout de suite à Oxmo Puccino 365 jours. Je vous rappelle, pour gagner donc des t-shirts, des CD maxi de 365 jours ou des albums vinyles de L'Arme de Paix, envoyez un mail à info@radio-antichambre.com. Tout de suite, 365 jours. Le bruit de la pluie sur le bitume en panne, des essuie-glaces, mon pare-brise pleure, mon humeur durcit la glace. Ceux qui disent le temps c'est de l'argent sont dans l'erreur. Si on met les zéros de côté, pas les heures. Je commande un café avant le texte pondu. Demande mon dû, car j'ai posé avant que le sucre ait fondu. Souvent en avance où le temps m'importe, mon pote. Si tu ne peux être à l'heure, faut que tu te téléportes. Quand on se rate, y a pas de prochainement. La vie est courte et la mort a tout le temps. Né le matin, majeur à midi, vieux des 20h. L'histoire oublie les héros, pas les vainqueurs. 365 jours puis 700 le temps commence à manquer, tu l'inspires, l'inspires. 365 jours puis 700 le temps commence à compter, tu te questionnes, questionnes. La vérité dépend de celui qui écoute, peu importe ce qu'on dit, le temps révèle tout. Le temps fait du bien à l'amour, contrairement à ce qu'on pense. Les regrets c'est quand on se gourre concrètement. Le mauvais temps n'est pas le froid ou le gris, c'est ce qu'on s'était juré, qu'à force on oublie quand j'arrive pas à écrire. Le mauvais temps, celui qui te ronge, la migraine quand tu t'interroges. Les rêves s'éloignent, tu cours à leur poursuite. En vieillissant, de moins en moins de plumes poursuivre. La durée de ma chanson est décroissante. Désolé, je ne sais compter que jusqu'à 60. 365 jours puis 700 le temps commence à manquer, tu laisses bien, laisses bien. 365 jours puis 700 le temps commence à compter, tu te questionnes. Vivre, c'est déchiffrer des lettres, des chutes et des litres, des chèques et des contrats. Tout ce que tu pourras et lorsque tu pourras plus, tout va ralentir, signe que l'avenir devient repentir. Chaque marche passée, l'escalier s'effondre, alors je saute en chantant chaque seconde. La vie est un beau train avec de sales wagons, et la chance vagabonde, j'attends pas qu'on m'approuve. Je suis un grand de ce monde, compose avec la lumière en tant qu'homme de l'ombre. 365 jours puis 700 le temps commence à manquer, tu laisses bien, laisses bien. 365 jours puis 700 le temps commence à compter, tu te questionnes, questionnes. Ma assurer, c'est que je voulais pas faire de peine à mon père qui dit ce gosse, non je l'ai pas fait. J'ai trouvé ma voie le jour où j'ai pensé à tuer un homme, donc je suis bien placé pour parler de paix. J'évite de me répéter, alors je me tais. Lorsqu'il est trop tard pour bien faire, comment apprécier la paix sans la guerre? Comme la fin et le début, les deux font la paire. Je viens déclarer la paix sans heurts. Quelques cartouches d'encre dans le chargeur, c'est l'arme de paix. I guess I'm in the race, I'm trying to win the chase. I'm trying to find my place and make it through the days. I'm in my cornerstone, I'm in my cornerstone. I'm in my cornerstone, I'm in my... Cette audace de parler de paix pendant la fin des temps, chanter contre ce futur sans précédent. Il le faut, ce monde c'est le nôtre. Je pense qu'on tire bénéfice du bien de l'autre. Inquiet, car au fond je sais, le malheur de l'un ne fait le bonheur de personne. Comprenez, guérir est la seule porte. On ne peut que périr sous la loi du plus fort. La patience est plus efficace que la force, raison pour laquelle je ne milite pas. Qui insulte la paix ne la mérite pas. Chacun touchera sa part de l'héritage. I guess I'm in the race, I'm trying to win the chase. I'm trying to find my place and make it through the days. I'm in my cornerstone, I'm in my cornerstone. I'm in my cornerstone, I'm in my... Je cherche l'impossible équilibre, sans en tuer 10 pour que 1000 vivent. La paix à tout prix n'est plus la paix, je prends la peine d'un dernier appel. Les chanteurs de vérité sont des cracheurs de flammes, sous feu des tirs d'armistice, je deviens un passeur de calme. Un jour, l'injustice en personne fera tomber une larme. I guess I'm in the race, I'm trying to win the chase. I'm trying to find my place and make it through the days. I'm in my cornerstone, I'm in my cornerstone. I'm in my cornerstone, I'm in my... I guess I'm in... Sans escalier, j'ai grimpé à l'étage. La vie un livre dont il faut tourner les pages. Les cours c'était pas cubique, un QI élevé n'explique pas les bulletins d'un cancer chronique. J'ai arrêté l'école avant de la quitter. Hélas, en dessous de mes capacités, les plans qu'ils avaient pour nous, je les ai déjoués. T'as fait nous faire chier au risque d'échouer. De toute façon, on va pas se plaindre, nos parents se sont saignés. Au sommet, on sera pas plein, car on se fout d'être conseillé. Mon daron m'avait dit existe et c'est tirer des traits, vivre les sacrifices si près. Je sais à quoi tu sens nos secrets. À notre âge déjà les traits tirés. À force de tirer des traits, vivre les sacrifices si près. Je sais à quoi tu sens nos secrets. À notre âge déjà les traits tirés. À force de... En vrai, les femmes n'aiment vraiment que leurs enfants. Moins tu le comprends, plus tu te morfonds. Tous les bons morflés, mes nuits blanches d'un divorce de morphée. Une vie montagneuse, des virages, des pics, des chutes et des mirages. Radeau cassé, on part à la nage du rivage. Garçon, en une décennie j'en ai vu défiler. Trop de frères sont difficiles à tirer. Je t'aurais prêté ma jambe, mes mestres aux pieds. Je t'ai donné la main, tu l'as escroqué. Atteindre l'âge des blessures sans cocard. Transmission de savoir se vider pour que d'autres puissent avoir. pouvoir pardonner, j'ai tout donné, mais les gens ne savent pas recevoir. Vive les détresses, vive les sacrifices aussi près. Tu sais à quoi tu sens sans secret. À notre âge déjà les prêts, à force de tirer les traits. Vive les sacrifices aussi près. Tu sais à quoi tu sens sans secret. À notre âge déjà les prêts, à force de. Cinq disques, de traits tirés, un million. Autant de larmes tracées entre les lignes, mon métier. Les textes durs mais polis, c'est la réponse lors des contrôles de police. Elles viennent de l'univers, mes phrases mises bout à bout font le tour de la terre. Les traits, c'est comme les cartes, le pire est tirer les mauvaises. Que tu le souhaites ou pas, tu vas tirer un trait, tirer deux traits, ça fait très mal mais... La vie c'est tirer des traits, vivre les sacrifices si près. Je sais à quoi tu songes en secret. À notre âge déjà les traits tirés, à force de tirer des traits. Vivre les sacrifices si près. Je sais à quoi tu songes en secret. À notre âge déjà les traits tirés, à force de. Comment tu veux qu'on fasse pour choisir entre Lady et Baby? Les unes aiment les fleurs, les autres le fleuriste. Les unes assument, les autres bluff et pleurniche. Dis, je suis pas ta boniche, se casse pas l'ongle. Aime l'argent, pas les gens riches. Les unes viennent presque à l'heure, les autres de Blair Witch. Les unes invitées à dîner, les autres en sandwich. Tu mesures mal, tu t'es trompé. T'as jeté l'une à l'eau et promis la lune à l'autre. Les unes ont tort, les autres n'ont pas raison. L'essentiel c'est d'être bien dans sa maison. Les unes aiment ma plume, les autres cassent les burnes. Les unes t'ont à l'œil, les autres à l'usure. Eh, hey, tu l'auras pas, la brune de la pub. Car on fréquente les autres pour en apprécier une même, l'une après l'autre. Quand c'est joli comme ça, mets-toi à notre place. Si les unes sont bonnes, c'est grâce aux autres. Elles ont beau être bonnes, elles sont rien sans les autres. L'une en a sous les bigoudis, l'autre dans le soutif. Les unes nous marquent, les autres on les oublie. Les autres collectionnent les unes. T'aimes comme tu es, t'apportes des corrections. Les autres veulent t'apprivoiser et l'une passe. Résultat, tu as pris la voisine. Les unes, on les présente à nos mères. Parce que les autres, c'est pas la peine, elles s'en veulent à nos nerfs. Les unes, ils sont presque les autres à côté. Les unes sont cotées, les autres suspectent. T'en as aimé aucune des deux, t'es loin de mes opinions. Les unes discutent, les autres crêpent le chignon. Car sur un bateau, y'a pas dix capitaines. Les uns, les autres, se mêlent avec peine. Envers son prochain, l'homme est un félin. À qui la faute si personne n'est fait l'un pour l'autre? Est-ce les unes ou les autres? Comment veux-tu qu'on fasse quand c'est joli comme ça? Mets-toi à notre place. Je pensais que l'usine faisait les nuages. L'eau potable est-elle cancéreuse? Les nuits d'hôpital deviendraient coûteuses. Ils disent qu'en ville on n'aime pas parler. Qu'ils viennent vivre à mille au mètre carré, chacun son cube. Y vieillir dans les tentacules de la solitude. Soleil du Nord, soleil du Nord, soleil du Nord. Quant au deuxième semestre, le mauvais temps insiste et le clown se défenestre. jour sans ombre quand l'astre est à son zénith. Ma ville un tissu cousu de périphérique. Le printemps nous transforme en sauvages. Au premier rayon on plonge sans plage. On attend l'été pour s'entasser chez les autres. Ces gens du sud à l'accent chaud. On ne partage pas les mêmes horizons. Pour vivre les vôtres nous cotisons. Je voudrais vous y voir à courir les bidonvilles. Rêvant de tours d'ivoire où élever ta fille. Soleil du Nord. Soleil du Nord. Famille nombreuse avec un seul salaire. C'est voir la mère à 20 ans, 19 étés de galère. Saisons, 40 ans de crédit, la belle maison. Chaque semaine grossit le jackpot. Les temps durcissent, les copains n'ont plus de clopes. Coincés dans d'horribles jeans. Entre l'avenir et nos origines. Au fond ça va dans l'hexagone. On cherche les ficelles, tire sur la corde. On se passe de conseils. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Je vous rappelle qu'il y a des cadeaux à gagner, t-shirts, CD et vinyle de Oxmo Puccino. Il suffit d'envoyer un mail à info@radio-antichambre.com. Bien évidemment, vous précisez ce que vous avez envie. Et puis tout de suite, on se termine avec un morceau un petit peu égo qui s'appelle Master Ciel. Ce que vous entendez, ma tête est réelle. La paix sans la guerre, on m'appelle qui? Tu sais c'est qui a le matériel? Mesdames et messieurs, accueillez-le, accueillez-le. Accueillez le master ciel, y en a qu'un par siècle. 7 ans de pression artérielle. Altérer le réel, réitérer les voyelles. Ça sert à rien que les au pluriel. Sans patrimoine, le black n'est rien. Pour le gouvernement, nous sommes bactériens. Quand j'ai assez posé, je laisse plus. Rare, tel un chinois qu'on expulse. Face à moi que des novices. T'es comme porter plainte contre la police. Je brise le suspense, Hawks va-t-il tomber? Quelle question d'espèce de suspense. Ce que vous entendez, ma tête c'est réel. La paix sans la guerre, on m'appelle qui? Tu sais c'est qui a le matériel. Mesdames et messieurs, accueillez le master ciel. Puisqu'il en faut qu'une gêne de l'oseille. Mon oxygène vient des rayons du soleil. Poète chaleureux, tel un fruit des îles. Le problème des femmes, c'est ce qu'ils désirent. Ces mots, je les ramasse par terre, par centaines. Leur jette un sort et les parsème. Aussi clair que l'eau minérale, je chante un voyage intersidéral. Le rap une sous-culture, mais quelle idée. Ce sont des propos de fils de canidés. L'univers est ma parcelle. Le maître des rêves est-ce le master ciel. Ce que vous entendez, ma tête c'est réel. La paix sans la guerre, on m'appelle Geek. Tu sais c'est qui a le matériel. Mesdames et messieurs, accueillez le master ciel. Ce que vous entendez, ma tête c'est réel. La paix sans la guerre, on m'appelle Geek. Tu sais c'est qui a le matériel. Mesdames et messieurs, accueillez le master ciel. Une seule phrase placée musicalement te calme. La voix agit médicalement. Ce qu'on trouve ici, c'est groovissime. Gros disque, anti-grippe, médecine sous cannabis, boum. Okay. Je canalise, mais sous aspirine. Les psychanalystes aspirent à pouvoir diminuer la douleur avec des bouquets de lyrics de toutes les couleurs. D'ailleurs, souvent ailleurs, faut bien que je trouve de quoi mettre le fire. Une basse, un rythme, le ciel peut s'écrouler. La terre fleurit dès que je l'ai foulée. Ouais. Sans la guerre, on m'appelle Yeh. Tu sais c'est qui a le matériel. Mesdames et messieurs, accueillez le master ciel. Ce que vous entendez, ma tête c'est réel. On m'appelle sans la guerre, on m'appelle Yeh. Tu sais c'est qui a le matériel. Mesdames et messieurs, accueillez le master ciel. Respiration, aspiration. Dégagez le plexus. Your mama's going on a date. Can you dig that? Can you dig that? Dig this. sample à l'original et de l'original au sample. C'est pour l'idéal. Dig this. Cool it. Your mama's going on a date. Can you dig that? Can you dig that? Dig this. Hold up the phonograph. Encore un classique ce soir dans l'école du sample, vous l'aurez reconnu, il s'agit des Californiens Jurassic 5 et de leur superbe Quality Control, cet extrait de leur premier album qui porte le même nom, et on s'écoutera juste après l'artiste qu'ils ont samplé pour ce titre. Hey, you're my quality control, captivates your party patrol, you're my body and soul, for who the bell tolls, let the rhythm explode, big bad and bold, be boys of old. Many styles we hold, let the story be told. Whether platinum or gold, we use breath control. So let the beat unfold, intro on drum roll. We be the lick like Itash and J-Bo. We harass niggas like we was the Po-Po. We can rule the world without Curtis and Steel. Finesse from SP to Casio. Your jams ain't deaf, you ain't fresh, so-so. If you don't know us by now, you never know. We set that mood when we move and prove the show. The name of the game is survive and move your flow. You can't outtake Jurassic syllable, cause it's survival of professional radio. Stop and comprehend and heed the words of my pen. Survival of professional poetic Highlander. Soup, you plan to rock or something fierce? Oh, am I? Doc is the name, the AKA Super. The verbal acupuncture, funky dope, old schooler. I used to be the brother for others they used to dumb on. Now they be the lovers of brothers they can't front on. Put me in the mix, LP 12-inch. SP, the elegant, poetic pestilence. I'm carbonated, my Santa confederated. Highly commemorated and the most celebrated for connecting it. Word, verb, subject to the predicate. Plus, I got the etiquette to keep it moving and show my cats how it's done, cause it's the verbal combat position number one. Keep it beaming like a beacon if it's lyrics that you're seeking. Whether black or Puerto Rican, people back us when we're speaking. We got the kind of rhymes to get you ready for the weekend. To the mass amount of legions, I can't report it pleasing. Our temperature is freezing, all kinds of different regions. The rhythm is the reason you're checking for what we've done. Please, son, our thesis, a rip your crew in pieces. Your rhymes ain't right, homeboy, you ain't a season. Hey, so my quality control, captivates your body patrol. You're my body and soul, for who the bell tolls, like the rhythm explode. Big, bad, and bold, be boys of old. Well, it's the angelic man, relic plan, repellent, my plan, parent manuscripts withstand bullets, flashing like a Japan tourist. We command pure hits. Why you cramming to understand these contraband lyrics? My fam submits to praise 5 times a day, climbing into your mind with live rhyme display. J5 finds a way to remain supreme, coming verbally harder, son, as if my name was Gabeen. Hey, yo, my team dream works without Spielbergs. I spill words, communicate from the earth throughout the universe. I transmit transcripts, transcontinental lyrics, deeply rooted in the spirit. I love the power of words, nouns and verbs, dependent and sword, linguistic or the war. No folklores or myths in my penmanship. The path of scholar warriors is what I present. Verbally decapitating those against. Jahafi, Sibili, like my words make sense. You got to get up on your vocab. You got to have vocab. Letters make words and sentences makes paragraphs. Quality control. Mark 7, tuna fish, die, give it a kid. Producers of the highest quality product. Cut, Kim is new mark. Yo, I make the boom. C'est l'artiste Clarence Reid, connu aussi sous le nom de Blowfly, un artiste américain sous les rhythm and blues dans les années 60-70, qui a été samplé par Newmark et Cut Chemist pour réaliser ce superbe Quality Control. Clarence Reid était plutôt connu pour ses textes sexuellement très explicites, tout comme les pochettes de ses disques. Et c'est le titre I Don't Want No Woman To Give Me Nothing qui a été utilisé pour réaliser Quality Control, et on se l'écoute tout de suite dans l'antichambre. Are you ready? Well, let's go. Go ahead. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. I don't want no woman to give me nothing. Just open up your legs and I'll get it myself. Yeah. I don't want no woman to give me nothing. Open up your legs and I'll get it myself. Get it myself, I get it myself. Get it, get it, get it, get it, get it, get it. Oh! Yeah. It's been a groove with y'all this evening. We're gonna take a little break for about 10 or 15 or 20 minutes. Get ourselves together. And we'll be right back for the second show. So y'all cool it. And remember, if y'all got a man that won't do what you want, just call on us, baby. Akinyele et The Bomb pour annoncer une petite session retour en arrière, flashback fin des années 80, début des années 90. Nous aurons Ice-T, c'est assez rare dans l'antichambre, avec You Played Yourself, The Boss, qui sample James Brown et le titre The Boss, extrait de la BO de Black Chaser, comme Nas le fera bien des années après. On aura ensuite quelques morceaux du Juice Crew et donc tous sortis sur le label Cold Chillin. Nous aurons Big Daddy Kane avec Young Gift and Black, un des grands classiques de Big Daddy Kane, produit par Marley Marl qui sample Albert King. On aura ensuite Craig G avec Take the Bait, donc toujours un membre du Juice Crew. On aura à nouveau Big Daddy Kane avec Mr. C's Master Plan. Donc cette fois, Big Daddy Kane n'est pas tout seul, il laisse une grande place à son DJ, Mr. C, qui nous délivre eh bien, ce qu'on pourrait assimiler à des prémices du turntablisme, vous verrez, et c'est sorti sur l'album mythique de Big Daddy Kane, Long Live to the Kane, ça devait être en 89, et puis on enchaînera avec Marley Marl et à nouveau Craig J pour Duck Alert, c'était en 88, toujours chez Cold Chilling, et c'était sur l'album de Marley Marl, In Controme Volume 1, et on va enchaîner tout de suite avec Tone Loc et Locked After Dark, c'était là aussi avant les années 90, c'était en 89 sur le label Delicious Vinyl. Donc voilà, restez connectés jusqu'à la fin de cette première heure dans l'émission. On vous rappelle au passage d'aller faire un petit tour sur notre site internet antichambre.zik.fr. Vous avez accès à pas mal d'interviews, à pas mal de chroniques et surtout à toutes les archives des émissions qu'on vous diffuse depuis quelques années maintenant. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à nous laisser un message pour tout commentaire. Voilà, donc vous êtes toujours dans l'antichambre et on enchaîne avec Tone Loc et Locked After Dark. But like a Uzi on the mic, they call me Tone Capone. Slay it down with your posse if you're standing alone. Cultivating all cities and tearing up towns. I treat you like a king going for a rebound. When I hold the mic, some say that I'm treacherous. You used to be the best. Yeah, I bet you was. I never lost a battle. I ain't never been beat. Go look on the shore, tombstones on the street. Suckers like you try to diss with nerve. But I slay it down and lay it down next to the curb. Not only fresh miming, do what is stared. I drop you on the pavement, leave you parking in the red. I don't need no protection, so here's a little lesson. When I leave the house, it's sure by Smith & Wesson. A 357, co-bobbing off 11. It put you in hell, or it can place you up in heaven. You're looking for trouble, then a trouble I start. But I'm telling you now, I get low down, get low, dog. Get low. Say the least, I start mopping motherfuckers like a savage beast. I'm taking my turn to make the mic burn. And when I'm teaching class, there's a lesson to be learned. Now I battle bosses and tribes all alike. Never battle out of hate, they always battle for spite. Cold jealous of me, the West Side man. The leader of the brothers and killer of the clan. Well, I don't give a shit, cause my rhyme is legit. Cold put you in the yard and tie you up with my pit. Cause when she starts to bite, that's when I will ignite. The views of the body take you to new heights. I consider myself to be a part of the elite. Suave and dominant because the rhyme is so sweet. Big call and confusion, magician of illusion. You got a little problem, here's a solution. A winner never quits and a quitter never wins. So why you just gambling with dubs and fins? Remember what I say, it sticks like crazy glue. I'm telling you now, I'm not afraid of you. You'll come in my face, I tell your heart I'm part. And like I told you before, what? I get low down, low down, low down, low down. This is it. Dope from the fly kid. The ice mic is back with the high bid. Suckers, you lost the players, you're not. Gangsters, you ain't, you faint punk if you ever heard a gunshot. Yo, the pusher, the player, the pimp, gangster, the hustler, high roller, dead press folder. It's cold lamping like a black king on a throne. Evilly, turn up the microphone so I can ill and break on the rolling tape. Another album to make, great. Islam, turn the bass, kick up a bit. Hype the snare, now I got a place to sit and ride the track like a black Mac in his lack. Hit the corner slow where the girls are at and kick game the way it should be done. How you gonna drop science? You're dumb, stupid, ignorant. Don't even talk to me. In school you drop math, science, and history. And then you get on the mic and try to act smart. But let me tell you one thing, you got heart to perpetrate your bait. So just wait till the press shove a mic in your face. Or you meet Boogie down at Chuck D, Stetsasonic, or the Big Daddy. And they ask you about the game you claim you got. Drop science now, why not? You start to sweat and fret, it gets hot. How'd you get into this spot? You played yourself. Yo, yo, you played yourself. I'm no authority, but I know the D-E-A-L when it comes to dealing with the females. What you got, they want. Cash is what they need. Slip, sucker, and they'll break you with speed. But you meet a freak, you try to turn her out. Spending money's what I'm talking about. But you fool out, your pockets got blew out. And after the date, no boots, you got threw out. Mad and shook, cause your duckets got took. Call her up, phone's off the hook. But who told you to front and flaunt your grip? You can't buy no relationship, you played yourself. Yo, homeboy, you played yourself. I'm in the MC game, a lot of MCs front. And for the money, they sell out stunts. But they claim that they're rich and that they keep cash. Yo, let me straighten this out fast. 200,000 records sold. And these brothers start yelling about gold. You better double that, then double that again. And still don't get sued, my friend. You think you made it, you're just a lucky man. Guess who controls your destiny? Fans. But you diss them cause you think you're a star. That attitude is rude, you won't get far. Cause they're turning you quick, you drop like a brick. Unemployment's where you'll sit. No friends cause you dissed them too. No money, no crew. You're through, you played yourself. That's right, you played yourself. Real, you're on standstill. To obey your case, so let the man build. Words of rapture that you have to capture. And I just slapped ya with a handful of literature. This dope, death, fresh, hype, choice, smooth, and raw. Rappers I replace, rub out and erase. Competition, you must be on bass, smoking or choking, bound to be broken. Now get your damn hands off the mic that I'm choking. Cause I got a stranglehold. You're still cold off parole for the role you stole. Rhymes that you yell out, but you did sell out. Crossed over, lost over here, now get the hell out. I'm not a pop star, rock and roller, I'm a rebel, blessed. Able to hold a mic like a hammer and drop grammar, treat a rapper like a wrestler and body slam them. Those who dispute get treated just like a prostitute. They get the boot and blade like a flute, so just play mute. Don't even whisper, open your mouth to speak, and I'ma dish your ragtag and dog. Put you in the morgue because you're petty confetti and not ready to rock steady. In other words, you're half-stepping, tiptoeing, get going, because my weapon is not a nine, a newsie, or a shotgun. But when it come to hype rhymes, I got one, just like the album is still the same. Long live the cane, ain't a damn thing changed. I still get ill and kill at will and build the skill to fill your grill, so don't tell me you're real. We sample beats, you sue and try to fight us. Man, you still be home with arthritis. If we didn't revive and bring back alive old beats that we appreciated, you wouldn't survive. You'd be another memory to us. Ashes to ashes and dust to dust. So understand the way that I live, that's positive. And the message I got to give is a benefit for you and me. I'm talking about P-E-A-C-E, the chosen one that has turned the new leaf. I got gold teeth and they don't chew beef. No pork on my fork, strictly fish on my dish. The cane falling victim, sucker you wish. I flow like water, slaughter, put you out of order. Florida, rappers are ragging and tagging and snagging and bragging to be on the bandwagon. But I'm the last dragon with the knack to attract the pack, so just get back. I'm young, gifted, and black. And just go with the flow, you know. In the place to be with my man Marley Marl, sitting this out with Divine Force. Can't forget my main man Heavy D, to my good brother Z. MCs, get a grip, relax your lips. Here comes a rapper that flows in the twist. Craig G on call with the composition. That's a proposition to my opposition. You wanna step, well yo, wear your track shoes, or take your royalty check and buy crack dudes. Rappers are taunt them to make no one want them. And if I die down, my raps will come back and haunt them. Highly explosive like nitro glycerin. Don't sleep on the skill, keep listening. Cause I smooth rough beats just like a nail file. Compared to other MCs with the stale style. But in this 5 years to only get live cheers, and I'm one that will continue to strive with. Others have failed and got blown like a jet stream. And if my records don't sell, I won't get beamed. I'll come back and prove that I'm great to hook 'em and reel 'em in. So take the bait. Yes, yeah, take the bait. Yes, check it out. MCs are relate that my raps go fishing. Approach me wrong and I'll start crippling. Cause there's few alive that can really get with it. The rest of them die with a bravery certificate. Cause I'm deadly like the tail of a scorpion. And Marley's my man cause he's the one that brought me in. I'm not a sucker, I can never abandon someone that got me on my feet, so I'm standing. I'm not like that, I kick up a light rap. Marley's got my back, so we'll always have a tight track. And as far as the negative MCs that are fake, I'm a real man. So take the bait. Take the spin. We can see. Take the spin. Let the horns blow. Yeah, take the bit. And I'm flowing like this. Sometimes I rhyme fast to make them see way Craig. And I wrap around the seas like a straight leg. I'm filled with a dope like a billionaire Colombian. That's why we can see is wanna run me in. Let me tell you, all your rappers full of steam and weak. I'ma mix you in a bowl like cream of wheat. You can't beat me, straight up and that's. So bring a little 10 rap books in a knapsack. And if you got a crew, bring 12 of. Cause you'll get stripped like a jagged Spanish Harlem. And to go against a pro that's caustic, a mic will turn by Onyx. So yo, you wanna flow and break? Step aside, step aside, and take the bait. Yeah, step aside, take the bait. Step aside, take the bait. DJ Mr. C. Who is the man with the master plan? He goes by the name of the Big Daddy. Then it goes a little something like this. Yes, here we go, on with the show. as the rhythm of this starts to flow. No matter the tempo, fast or slow, get up and dance, cause Kane said so. This is the dance floor groove of the album, presented to you all live from Calvin. Whoops, I meant to say Mr. C, the disc jockey down with me, the microphone lord. My wisdom is a sword, try to get with us and get floored. Some DJs try to front, but yo, don't let them fool ya, cause wine is fine, but Calvin is cooler. Jump up and down and all around, and check out the way that my DJ is sounding on the turntables to keep the crowd stable. Killing the cuts, putting bodies on a record label. And just for the symphony, here comes the M-I-S-T-E-R-C-E-E. Taking a stand like a band, Mr. C got a master plan. Hit it, hit it. Who's the man with the master plan? DJ Mr. C. Who's the man with the master plan? DJ Mr. C. Who's the man with the master plan? DJ Mr. C. Who's the man with the master plan? DJ Mr. C. Who's the man? Woo! Yeah, warm it up, C. Come on, make it happen, make it happen. Hit me one more time. Come on, see, warm it up. Yeah, that sounds funky. I mean, like, extra crazy, stupid death. This is my Transformers, huh? Again, again, again. Now, yo, tell yourself, cause I'm getting ready. By pulling out my 12-gauge shotgun. And if you wanna go rhyme for rhyme, I got some.